Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Est-ce que tu veux chanter? Non. Tu dis bon? Non. Ok! Là, tu dis, ah, Mathieu Plante, pas capable de parler de quelque chose sans mettre ça dans une chronique, hein, c'est ça? Mathieu va chialer. Je vais chialer parce que sérieusement, ça m'énerve là. Ça m'a énervé à chaque année, mais cette année, ça m'énerve particulièrement. Tu sais, François, les chaînes américaines, OK, qui diffusent une émission en même temps qu'une chaîne canadienne, les chaînes canadiennes ont le droit de demander aux distributeurs de câbles à faire remplacer le signal. Est-ce que tu savais ça? Pour les publicités. Pour les publicités, exactement. Si t'écoutes un épisode de Dr. House ou de Grey's Anatomy ou n'importe quoi à la télé américaine, même sur, mettons, Fox ou ABC, tu syntonises Fox sur ta télécommande et ça va être Global qui va jouer une chaîne canadienne. Ça pile par-dessus, ça s'appelle du SimSub. Donc, de la substitution de signalisation. On s'en fout un peu. Mais bref, le Super Bowl, à chaque année, c'est ce qui arrive. Et ça, c'est bien normal. Bon, la chaîne canadienne qui diffuse le Super Bowl, CTV, Global, veut pouvoir passer ses publicités canadiennes et faire du cash. Ouais, c'est ça. Veut vendre ses propres publicités. Tout à fait normal. Et on comprend que leur budget va pas mal dans ce sens-là pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir produire des émissions locales. Bon. Depuis quelques temps, en tout cas, moi, j'avais jamais eu la télévision haute définition. Et là, j'ai appris cette année en regardant que même la télévision haute définition se fait remplacer son signal. Donc, hier, j'essayais de regarder Fox. C'était CTV qui jouait. Fait que là, t'arrives, t'es sur Fox, tu penses vraiment être sur Fox, t'as tout, ça dit Fox partout, là, parce qu'on s'entend que la couverture du Super Bowl par la télé américaine, ils mettent le nom du réseau le plus possible partout pour que les gens écoutent leurs petites émissions qui vont suivre après, t'sais. Comme hier, c'est un épisode de Glee qui joue après Fox, après le Super Bowl à Fox. Donc, tout le long, c'était bon, vous écoutez le Super Bowl sur Fox! Là, c'est là pour Glee, parce qu'il va y avoir un numéro avec des joueurs de football qui vont danser. Je suis sûr que c'est vraiment, ça attire beaucoup les amateurs de football, j'en suis certain. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Glee, mais pas sûr que les amateurs de football aiment tant ça. T'sais. Pas tout à fait sûr. Ça reste à voir, mais bon. Ça reste à voir, on s'en fout. Bref, j'arrive, il y en parle partout, c'est Fox partout, là, à mur. Et puis là, t'arrives dans un bloc publicitaire, c'est des publicités super poches. Tu sais, je veux dire, ben, ils ont du budget comparé aux autres publicités de l'année, mais c'est poche comparé à ce qu'il y a aux États-Unis. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas Doritos, là, tu sais. On n'a pas vu Osborne avec Bieber. Bieber, exactement. Donc, pour ça, il fallait aller live pendant le match sur youtube.com/adblitz, qui est la place où ils postent les publicités du Super Bowl une par une au fur et à la mesure qu'elles ont lieu. Et regardez là. Donc, ce que ça fait, c'est que la substitution de signal me fait aller sur Internet pour regarder les publicités en temps réel de la télé américaine. Il y a quelque chose qui marche pas dans le processus canadien là-dedans, je trouve. Ah ouais. Mais t'allais les regarder en temps réel? Ben, je suis pas allé, mais j'aurais pu, t'sais. OK. Moi, je veux dire, le Super Bowl, sérieusement, je voulais le regarder avec ma copine. On s'est même préparé, on a fait l'épicerie à l'avance, tout ça, pour arriver à la maison pour regarder le Super Bowl pour les publicités, parce que c'est ce qu'on fait, t'sais. Puis j'ai abandonné après 3 minutes, puis on a fait d'autres choses. Mais non, c'est ça, j'étais là pour ça. Mais maintenant, j'ai pas besoin. Tant qu'à ça, je vais juste y aller le lendemain, puis deux jours après, puis ils vont être encore là sur AdBlitz. Ça vient de puis je les ai pas regardés la publicité canadienne. Je suis sûr que les gens qui ont regardé le football, ils ont regardé parce que t'avais pas le choix. Tu vas te chercher la petite trempette, ou tu vas faire trempette aux toilettes. Oh, ouais, mais reste que c'est des publicités, là, quand même. Tu sais, c'est pas. C'est des publicités, là. C'est ça, t'es pas supposé vraiment obsédé là-dessus. Non. Mais c'est les meilleurs, puis le budget est dépensé là-dessus. Fait que... Mais en même temps, j'en ai regardé une. C'est le Pepsi Max. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était pas particulièrement bon. Non, j'ai pas vu. Non. Je sais pas. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour une publicité qui a l'air de juste une pub normale qui aurait passé à n'importe quel moment de l'année. Mais bon. En tout cas. Tu sais comment ça coûtait? Hier, faire passer ça, là, américain, bien sûr, là, pas canadien. OK, non. Du côté américain, 3 millions d'dollars. Ouf! Pour, 30 secondes. Oui. Eww. Et ça a été tout vendu. Eww. Donc, pas besoin de remplissage. Hein. Alors que sur CTV, il y avait de longs bouts à la fin des blocs de pub où il y avait genre une autopromo de CTV. Il y avait, ça, il y avait mis le budget là-dessus, on dirait CTV. C'était un joueur de joueur de football, on dirait un robot, qui courait dans les rues puis qui avait des publicités pour CTV partout. American Idol, Big Bang Theory, qui était en arrière, puis le gars, il courait. Fait que ça, c'était juste pour remplir, faire un buffer par-dessus les pubs de Fox pour que, aussitôt que l'émission recommençait, il pouvait arrêter cette pub-là n'importe quand, tu sais. Était comme super longue puis était coupable n'importe où. C'était vraiment le fun. Bref, CTV, bravo, substitution de signal, j'aime bien ça. Ah, ça, je pense que la décision revient plus au CRTC. Et voilà.